Dites-moi, pourquoi ne peux-tu pas le voir? Littéralement, voir lui. Alors, pourquoi? Wei shenme? Tu? Ni? Ne pas pouvoir? Pu neng? Voir, rencontrer? Jian? Lui ou il? Ta. Pourquoi ne peux-tu pas le voir? Wei shenme ni bu neng jian ta? Bien, alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir? Cela demande une réponse, comme par exemple, parce que je suis très occupé maintenant. Alors, parce que... In, ouais. Je... Wo. Maintenant. Xianzai. Très occupé. Hen hao. Alors, qu'est-ce que vous venez de dire, là? Ah oui, j'ai dit très bien. C'était en fait. Hen man. Ouais, c'est ça. Merci. Parce que je suis très occupé maintenant. Yin wei wo xianzai hen man. Comment dirait-on? Es-tu trop occupé pour voir mon ami? Littéralement, es-tu trop occupé, ne pas pouvoir voir, ne pas pouvoir voir mon ami, plus interrogatif. Voilà comment nous allons le formuler en chinois. Dites d'abord tu. Ni. Trop occupé. Tai. Mang. Ne pas pouvoir. Pu. Neng. Voir. Xiang. Jian. Mon. Wo de. Ami. Peng you. Et le mot interrogatif. Ma. Es-tu trop occupé pour voir mon ami? Ni tai mang. Bu neng jian wo de. Alors, pour répondre, on va dire « Non, je ne peux pas le voir. » Alors, vous allez dire « Ne pas pouvoir », c'est-à-dire « Bu neng. Bu neng. » Et maintenant, dites « Je suis trop occupé pour le voir. » Je. Wo. Trop occupé. Tai mang. Ne pas pouvoir. Bu neng. Voir ou rencontrer. Jian. Le ou il. Ta. Je suis trop occupé pour le voir. Je suis trop occupé ne pas pouvoir le voir. Wo tai mang. Bu neng. 见他